and Girls sur Fadjet, présenté par Agathe. Et bienvenue dans cette 21e heure des 40 ans de la radio et des 40 heures. Et bienvenue donc dans cette émission Wild Girls, en français les filles sauvages. Une émission qui met les femmes à l'honneur et sur le devant de la scène. Vous y découvrirez des jeunes artistes sauvages et talentueuses et vous en redécouvrirez d'autres plus connues sous un nouvel angle. Alors pour les 40 ans de la radio, et bien j'aimerais vous parler d'une artiste qui fêtera elle aussi ses 40 ans le 2 mai cette fois. Il s'agit de la chanteuse britannique Lily Allen. Alors on connaît bien Lily Allen pour des titres datant des années 2000, mais aussi pour tous ses scandales, son comportement limite et ses histoires de presse people. Mais Lily Allen a une carrière assez impressionnante et une histoire assez dingue. Bonjour Laurine. Et coucou. Alors Laurine, toi tu seras avec nous pour cette heure. Voilà, tu représentes la radio aussi en tant que bénévole. Oui. Et est-ce que tu connais Lily Allen ? Ben, pas trop en fait. Enfin, c'est une artiste que je connais pas trop. Je connais Smile. Ouais. Mais c'est tout donc. Super intéressant d'en apprendre plus. Eh bien, c'est avec plaisir. Et justement, eh bien, tu le disais, ça n'était même pas volontaire, c'est le hasard. Donc, on commence justement avec l'un de ses titres les plus connus, Smile, donc titre dans lequel elle raconte les efforts de son ex pour la reconquérir et le plaisir qu'elle éprouve, elle, à le voir galérer. Et donc, eh bien, vas-y, je te laisse faire le lancement de cette chanson. Et nous écoutons Smile de Lily Allen. C'était donc Smile de Lily Allen. Fadjet, 40 ans de musique, d'infos et de bonne humeur. Et ça commence fort. Lily Allen, elle est donc née à Hammersmith en Angleterre en 1985. Son père, il est acteur, hein, on le connaît, c'est Keith Allen. Sa mère, elle est productrice et donc sa carrière, eh bien, elle commence tôt puisqu'à 3 ans, Lily Allen apparaît dans un épisode de The Job. Elle signe en 2002 avec le label Warner grâce à son père, mais rien ne sort. Et donc, elle lance un MySpace, ça existait à l'époque. Et donc, elle reçoit une belle promo du magazine NME et sa carrière est lancée, mais ça, on en reparle très bientôt. Lily Allen, elle a un gros problème avec l'autorité et ce, depuis l'enfance, ce qui lui vaudra d'arrêter sa scolarité plus tôt que prévu et de devenir fleuriste durant un temps, mais aussi barmaid, avant donc que sa carrière ne se lance. Concernant les inspirations de la musicienne, elles sont diverses. Hein. On a du punk avec Blondie, les Clash, on a du ska avec les Specials ou encore Madness. On a de la pop, du rap avec notamment Missy Elliott, du rock avec T-Rex, avec Oasis ou avec encore Blur et j'en passe. Mais penchons-nous sur le ska, donc un style qui mélange punk et reggae que Lily Allen affectionne tout particulièrement et que vous retrouverez notamment tout au long de cette émission dans ses titres. Et donc, qui dit ska dit The Special et leur titre bien spécial, justement, A Message to You, Rudy. C'était The Specials avec A Message to You, Rudy. Ça met bien dans l'ambiance. Hein, pour... Ah, c'est sympa, c'est du ska. Ah, bah vraiment, ça m'a fait danser et tout. Enfin, toi aussi, hein, je t'ai vu danser. On danse. On danse bien. Mais c'est les 40 ans de Fadjet, après tout. Hein. Il faut danser. Ça se fête. On fait la fête à deux, à beaucoup. Il y a beaucoup de monde aussi. Pas là tout de suite, mais devant les studios qui nous regardent, mais bien sûr qui nous écoutent. Et en tout cas, merci justement de votre soutien et pour votre écoute. On continue ? Ah oui ? Bah ouais, allez, on continue. Wild Girls, l'émission des filles sauvages sur Fadjet. Hello, world, and you're wild. Alors, la carrière de Lily Allen, eh bien, elle commence avec MySpace, mais une fois le label trouvé, ici c'est Regal Records, eh bien, elle les convainc d'utiliser des titres qu'elle a écrits avant de signer. Donc, elle sort en 2007 son premier album, All Right Still. Il s'agit donc d'un album drôle, mais très, très provocant dans son contenu, hein, qualifié par certains d'insolent, mais vous verrez, en fait, hein, cette artiste, elle est insolente. Elle aime bien embêter les gens, elle aime bien les provoquer et elle n'est pas toujours très très sympathique, qu'on soit honnête. Donc cet album, il combine reggae, hip-hop, pop et ska. Elle est accompagnée de Greg Kurstin, mais aussi de Mark Ronson à la production. Et je note que Mark Ronson, on le connaît quand même pour avoir travaillé avec Amy Winehouse, entre autres. Rehab, c'est Mark Ronson. Donc cet album, eh bien, il marche très bien. Hein. Il se classe à la 20e position du US Billboard. Et donc on y retrouve le titre Smile, qu'on écoutait en tout début d'émission, qui se place lui à la première place des charts en Angleterre. Et il y a aussi un titre, hein, dans lequel elle parle de son frère, Alfie Allen, que vous avez peut-être déjà vu dans Game of Thrones. Et puis, il y a un autre titre sur cet album, LDN, qui présente Londres de manière humoristique. Et je vous propose d'écouter l'excellent LDN de Lily Allen. Et donc c'était LDN de Lily Allen. Est-ce que ça t'a plu ? Ah oui, beaucoup. Mais du coup, j'ai reconnu les trompettes. Ouais, des trompettes. C'est vraiment très bien. Et donc, typique du ska. Typique du ska. Le ska mélange de punk et de reggae. Et donc, on retrouve beaucoup, beaucoup de trompettes. Et ces espèces de contretemps un peu à la batterie qu'on a retrouvé ici, tu vois. Ok, super intéressant. Et voilà, et tout ce qui est R&B aussi, hip-hop, parfois ça pique un peu, ça prend un peu au ska parce que c'est les mêmes codes, en fait. Mm-hmm. Okay. Et ça, c'est un son que tu retrouveras et que vous retrouverez, vous qui nous écoutez, un peu tout au long. Parfois, elle se perd un peu dans la pop, mais elle a quand même toujours une espèce de sonorité très ska et très, de toute façon, londonienne. Ok, ça, j'adore. Et vous entendez l'accent, ça, c'est ce qu'on appelle le Cockney accent. Mm-hmm. C'est l'accent londonien, c'est vraiment typique, typique des Britanniques, mais surtout des Londoniens. Trop chouette. Allez, on continue. Oui. Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. Et donc, Lily Allen, eh bien, elle sort un deuxième album en 2009, un album qui marchera encore une fois très très bien. Donc après la sortie de son premier album, hein, Lily Allen, en fait, elle est devenue la cible des paparazzi. C'est peut-être comme ça que vous la connaissez, vous par ailleurs, hein, qui nous écoutez. Donc elle est la cible des paparazzi, des tabloïds. Elle est une fille d'eux, Lily Allen. Ses deux parents sont connus. Elle a un sale caractère, donc tout est bon pour la critiquer. Et en fait, elle le vit très très mal pour plusieurs raisons, dont une, c'est que déjà sa fausse couche à l'époque, elle fait les gros titres. Et ses autres fausses couches font les gros titres et plein de problèmes personnels comme ça qu'elle vie, en fait, elle les retrouve dans la presse à scandale. Donc c'est quand même très difficile. Elle part en vrille au point de se faire une très très mauvaise réputation. Mais elle s'en fiche. Elle revient donc avec cet album et elle sort son fameux titre Fuck You, titre qu'elle sortira donc avant l'album via sa page MySpace. Alors ici, les trompettes et le son ska, ils disparaissent, hein, et on retrouve un son beaucoup plus pop. On voit qu'il y a plus de moyens dans la production, mais aussi on voit que son chant, il a changé. C'est plus mélodieux, c'est plus chanté. Et justement, il y a un truc qui s'opère dans la production. Donc en plus de Fuck You, eh bien cet album, il contient d'autres très bons titres. Il y a The Fear ou encore 22 que nous allons justement écouter. Je suis sûre que vous vous souvenez de ce titre 22 qui a marqué les années 2000 de Lily Allen. She was 22, future looked bright. But she's nearly 30 now, and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her eye. She's thinking, how did I get here? et c'était 22 de Lily Allen. Tu te souviens de cette chanson ? Mais oui. Ah, elle était très très connue hein, dans oui. les années 2000. Oui, totalement. Allez, on continue. Wild Girls, l'émission des filles sauvages sur Fadjet. Son troisième album sort en 2014. Il s'agit donc d'un album plus électropop hein, qui rassemble donc bubblegum pop, R&B, slow dance, synthpop et j'en passe. Sur cet album, on retrouve aussi de l'autotune sur un titre, donc ce qui est une nouveauté pour Lily Allen. Elle est encore une fois accompagnée de Greg Kurstin. Et cet album, eh bien, il est encore une fois assez provocant, hein, puisqu'elle y parodie d'autres artistes, tels que Kanye West. Mais elle ne loupe pas non plus ses camarades de la pop, hein, tels que Beyoncé, Rihanna, Lorde, Katy Perry, et j'en passe. Elle prend aussi sur cet album du recul sur notre société et dépeint donc un tableau assez satirique et assez critique de tout ce qui l'entoure. Et en fait, elle, ici, elle fait une sorte d'électropop. Hein, donc, c'est assez bizarre parce qu'elle fait de l'électropop tout en critiquant la pop mainstream, ce qui donne des paroles qualifiées de anti-pop à l'époque. Donc. Et donc, on y retrouve sur cet album la reprise aussi très douce de Keane, Somewhere Only We Know, qui avait énormément marché et qu'elle avait reprise. Mais bon. Aujourd'hui, on est là pour danser, donc je vous propose d'écouter un autre titre plus dynamique. Il s'agit de You Are L Bad Man, un titre qui se moque des gens qui critiquent les autres cachés derrière leur pseudo sur les réseaux sociaux. Donc You Are L Bad Man de Lily Allen. Yeah, all right, Mom. I said I'm coming. Gosh. I work at home in my parents' basement. I don't troll, I make statements. I'm not a cliche, sitting in my PJs, double cupping at lunch on a Tuesday. I'm like Drake C, so don't hate me. I get vexed if you don't appreciate me. Real talk, I put the world to rights. And when I'm a big boy, I'm gonna write for Vice. It's not for me, it must be wrong. I can ignore it, I move on. But I'm a broadband champion, a URL band. Short shorts with conviction. Supreme Palace, APC. Scissor in a chalice, yeah, that's so me. I'm a London white boy rapping ATL. Keyboard warrior that can't spell. I don't like you, I think you're worthless. I wrote a long piece about it up on my WordPress. It's not for me, it must be wrong. I could ignore it, I move on. But I'm a broadband champion, a URL bad man. And if you're trying to call it, I'm a space ghost perpetrator, bottom half a violator. Check the title, the creator, blogosphere, vindicator. ASAP, Kanye, XX, remix. Mike Jones, Paul Wall, I need a Kleenex. I don't like girls much, they're kinda silly. Unless, of course, they wanna play with my willy. I'm a URL, BATMAN, and you're dead. Et c'était You Are L Badman de Lily Allen. Alors ? Bah oui, plus mon truc. Ouais, te connaissant, c'est plus ton truc. C'est ici donc, tu sais ce que c'est, ces deux ? Comme style musical ? C'est de l'électro-pop ici. On est vraiment dans les influences 2010, tout l'électro, dubstep, tout ça qui ont influencé la culture pop et électro-pop. Trop chouette. Et ben super. Fadjet, 40 ans de souvenirs partagés. Alors après une pause de 4 ans, eh bien Lily Allen, elle revient en 2018 avec No Shame, un album d'introspection dans lequel elle aborde donc son image, sa maternité, son divorce, ses névroses, sa dépression et j'en passe. Ici, Lily Allen, elle parle d'elle avec honnêteté et donc elle se présente comme une personne qui a des défauts et qui peut être vulnérable. Elle est accompagnée sur cet album donc de Mark Ronson, entre autres, hein, puisque de nombreuses personnes ont entouré donc l'artiste pour cet album. Alors, l'autotune est restée, mais le style a encore changé. Il y a beaucoup plus de R&B, avec même des sons dancehall, ska, afrobeat. Il se rapproche plus, hein, cet album, de son premier album, avec tout de même un son qui est plus électro, parce qu'il n'y avait pas d'électro sur le premier album. Là, on retrouve quand même de l'électro. Donc, on parle ici de sonorité urbaine londonienne, donc les racines de sa musique. Et donc, on retrouve aussi sur cet album eh bien, des rappeurs tels que Giggs, tels que Burna Boy, et donc qui l'accompagne sur des titres qui sont assez dansants. Et justement, je vous propose eh bien, d'écouter un extrait de cet album avec What You Waiting For de Lily Allen. Since we separated, I've been suffocated, oh yeah. All the empty space in my head, first I felt liberated by it. Solitude is overrated. The other day I swear someone said someone else is sharing your bed. Maybe you picked up where I left. Now my heart is sinking. I don't know what I've been thinking. I turned a strong man weak. I threw him down, brought him to his knees. I'm hoping somehow he'll forgive me. Said I do. Don't know why I was untrue with everything I put you through. How'd it make you feel if I said I still love you? If I could go back, see that cool press undo. Never thought we'd be this couple. I ran at the first sign of trouble. I turned a strong man weak. I threw him down, brought him to his knees. I'm hoping somehow he'll forgive me. C'était What You Waiting For de Lily Allen. Et t'entends là les inspirations dancehall et donc ce que je disais, les sonorités urbaines londoniennes. Carrément, ça donne envie de, de faire une petite soirée à Londres comme ça. Ah, une petite soirée à Londres, ouais. Je suis d'accord. Est-ce que ça t'a pas un peu fait penser aussi à George Smith? Carrément. Ça fait très George Smith. Et ben voilà, c'est ce dont je vous parlais justement. Wild Girls sur Fadjet, l'émission qui met les femmes au devant de la scène. Bon, on était sur le dernier album en date de Lily Allen, donc parlons d'autre chose la concernant. Alors sachez, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, Lily Allen elle a un petit ego quand même, vous l'aurez compris. Donc elle a sorti en 2018 ses mémoires. My Thoughts Exactly, en français moi exactement. Elle est quand même relativement jeune mais elle s'est dit bon, je sors mes mémoires. En plus de ça, Lily Allen elle a lancé deux labels. Le premier In The Name Of en 2011, donc un label soutenu par Sony Music, et elle a signé avec ce label le super groupe de noise pop que je vous conseille de découvrir, c'est Cults. Mais elle a aussi signé les débuts de Tom Odell avant que le label il ferme ses portes en 2014. Donc en 2016, elle est revenue avec un autre label qui s'appelle Bank Holiday Records, qui a signé donc des artistes tels que Céleste, artiste aussi britannique qui avait été nommé aux Grammy Awards il y a quelques années, pas aux Grammy Awards, aux Brit Awards. Elle a aussi travaillé avec la marque de jouets pour adultes Womanizer pour créer son propre produit appelé Les Petits. Et Lily Allen, elle a aussi été égérie de Chanel durant la période Lagerfeld pendant un an. On précise, ça a été court avant d'être jetée par ce dernier parce qu'elle buvait trop et elle aimait un peu trop faire la fête. Elle a aussi lancé Lily Allen sa marque de vêtements vintage qui s'appelle Lucy in Disguise en 2010 avec sa sœur. Et elle a lancé aussi une collaboration donc avec la marque de vêtements New Look. On peut continuer encore en humour parce qu'elle est très très drôle quand même, on doit l'admettre, Lily Allen, avec un titre dans lequel elle critique les performances de son partenaire dans l'intimité et dit qu'il peut être parfait dans la vie mais être complètement égoïste dans l'intimité et que ce n'est pas juste pour elle. Il s'agit de Not Fair de Lily Allen. Me all the time, he calls me 15 times a day, he likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise and it's apparent it's all over. Yeah. et c'était Not Fair de Lily Allen. Moi, j'aimerais pas être son ex. Hein. Franchement, ou son copain-copine, peu importe, j'aimerais pas. Hein. Clairement. Mais c'est trop intéressant parce que j'ai regardé le clip en même temps, que j'avais jamais vu, du coup, donc par curiosité. Et c'est hyper chouette parce que, du coup, il y a ce côté un peu country où les chanteuses derrière, elles sont avec des belles chemises à franges. Et c'est très esthétique années 70. Mmh. Trop chouette. Et bah ouais, c'est sympa, hein, mais c'est vrai que, voilà. Arrête que c'est content. Elle aime bien, elle est critique, Lily Allen, mais c'est ça qui est drôle. Fadjet, 40 ans de musique, d'actu locale et de bonne humeur. Bon, allez, on continue. Eh bien, en plus de ça, Lily Allen, elle fait des podcasts. Hein, sachez-le, depuis 2024, elle a une émission de podcast radio appelée BBC, appelée Miss Me, aux côtés de Mikita Oliver. Elle a aussi, durant quelques mois, tenu l'émission Lily Allen and Friends sur BBC 3, une émission donc dans laquelle elle recevait des invités pour discuter. Elle a aussi une carrière d'actrice au théâtre dans la pièce A Ghost Story, écrite par Danny Robbins et jouée en 2021. Et elle a par ailleurs remporté un What on Stage Award pour sa performance. Mais elle est incroyable, non, elle sait tout faire. Elle sait faire plein de choses. Géniale. Côté écran, on l'a retrouvée aussi dans Elizabeth, coproduit par sa mère en 1998, mais aussi dans How to Build Girls en 2019, aux côtés de son frère. Et on l'a aussi retrouvée dans Dreamland de Sharon Organ en 2023. Et je vous propose encore une fois d'aller vers elle en musique, avec un titre donc autotuné, je préviens, parce qu'il est bien autotuné et dynamique. Il s'appelle Hard Out There de Lily Allen. For a bitch, it's hard. Et c'était Hard Out Here de Lily Allen. Est-ce que ça t'a plu celle-ci? Carrément. L'autotune, ça fait très Charlie XCX. Ouais, bah c'était un petit peu avant Charlie XCX. Bah, pas avant, mais elles se sont croisées, quoi. Mais elle était là avant Charlie XCX. Okay. Mais oui, c'est très Charlie XCX. C'est très commun hein, maintenant, l'autotune, de toute façon. Wide Girls, sur Fadjet, l'émission qui met les femmes au devant de la scène. Alors, Lily Allen, elle est très impliquée dans les sujets que sont l'activisme, la politique, la santé mentale. Sa vie privée, hein, elle a trop souvent été déballée dans les tabloïds qui faisaient des gros titres donc sur ses différentes fausses couches, sa septicémie et j'en passe. Hein. Elle se faisait un plaisir de parler de ses ruptures et autres sujets privés. Donc, il faut avouer quand même, on va le dire, hein, que Lily Allen, elle aime aussi déballer sa vie privée. Hein, c'est un fait. Mais soit. Depuis donc, Lily Allen, elle est mère de deux enfants. Elle a reçu depuis 2017 un diagnostic de trouble bipolaire et elle est très ouverte donc sur la santé mentale donc, et elle aborde dans ses musiques eh bien, c'est ce sujet de la santé mentale mais aussi dans son émission. Et elle ne s'est jamais cachée de ses soucis de poids, mais aussi d'alcool et même de drogue. Elle est aussi très ouverte, Lily Allen, sur ses convictions politiques, hein, que ce soit chez elle ou au Royaume-Uni, mais même aux États-Unis. Hein. Elle est aussi engagée depuis. Elle s'est aussi engagée, pardon, en 2009 dans une pétition hein, sous forme de musique pour sensibiliser au changement climatique avec la reprise du titre Beds Are Burning de Midnight Oil. C'était pas la seule d'ailleurs. Et je vous propose qu'on continue toujours en musique avec mon titre préféré de Lily Allen. C'est vraiment mon préféré. C'est The Fear de Lily Allen. I wanna be rich and I want lots of money. I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and fuck loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. It's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fucking fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. I'm on the right track, yeah, we're on to a winner. Thank you. Et c'était The Fear de Lily Allen. Celle-là, c'est vraiment ma préférée. Très bien, ouais. Toi aussi? Je sais pas trop, mais elle m'a beaucoup plu. Ouais, elle est vraiment, elle a un truc bien spécial. Elle est très années 2000. Oui. Moi, je l'ai connue dans Skins. Okay. Peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un effet sur moi. Voilà. Fadjet, 40 ans de musique, d'infos et de bonne humeur. Alors, côté scandale, hein, on est servi avec Lily Allen, hein, je vous le disais. Hein, elle aime critiquer ses collègues musiciens et musiciennes dans ses titres. Elle a même dit un jour ne pas vouloir finir comme Madonna parce qu'elle est folle. Voilà, okay. très sympa. Elle a aussi critiqué Kylie Minogue, Amy Winehouse et j'en passe. Vraiment pas super, super sympa. Mais elle a aussi été inquiétée, figure-toi, Laurine, et figurez-vous, vous qui nous écoutez, eh bien, elle a été inquiétée pour avoir agressé physiquement un photographe paparazzi en sortie de boîte de nuit. Oups. Non, mais complètement. Voilà, elle s'énerve vite. Elle aime aussi dire des phrases un choc qui font parler d'elle, comme quand elle a dit avoir fait appel à des escorts girl à une période de sa vie, ou quand elle a parlé de son rapport à la maternité en disant qu'elle avait quelques regrets. J'aimerais pas être ses filles, hein, quand elles l'entendront plus tard. Non. Et puis, depuis 2024, eh bien, elle vend des photos et des vidéos de ses pieds sur OnlyFans. Et elle aime bien en parler, voilà. Elle aime bien faire parler d'elle, Lily Allen. Moi, je sais que sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup de pages britanniques et américaines. Mais j'ai, je sais pas, par mois, je pense, 2 actualités sur Lily Allen par mois. Ah, c'est fou. C'est assez dingue. Mais bon, continuons en scandale, donc, avec un titre très représentatif aux 12 paroles hein, de Lily Allen. Il s'agit de « Fuck You » de Lily Allen. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say, it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Translate and it's getting quite late. c'était Fuck You de Lily Allen. Et petite info, en plus, ouais. cette chanson, elle a été reprise par la communauté gay ouais. pour, voilà, comme hymne contre l'homophobie. Donc, trop chouette. Merci Lily Allen. Merci Lily Allen, oui, bah parce qu'elle y dit des paroles, voilà, elle critique les personnes qui sont contre les homosexuels et contre la communauté LGBT, etc. Donc voilà, elle fait passer tous ses messages dans cette chanson, et t'as raison, oui, ça a été repris. Et on arrive à la fin. Oh non! Wild Girls, l'émission des filles sauvages sur Fadjet. Fadjet a 40 ans. Et oui, on fait vite hein, pour laisser la place à nos camarades. C'est déjà la fin de cette émission. Merci pour votre écoute. Hein. Lily Allen, vous l'aurez remarqué, c'est une artiste qui aime s'affirmer et faire parler. Elle marque les esprits de par ses tenues originales dans les années 2000, ses paroles critiques, mais aussi ses hymnes des années 2000-2010. Et je vous propose que nous nous quittions avec un titre sous-côté de Lily Allen qui s'appelle Knock Him Out. Et vous saurez que nous entamerons après, là, juste à partir de 17h, la 22e heure avec mon camarade Pierre et son émission En passant par la Lorraine. Super émission, restez à l'écoute de Fadjet avec nous. Et nous, on se retrouve dans la nuit à partir de 3h du matin. Cause it was his shout. Clocks his bird and she looked okay. She caught him looking and walked his way. Alright darling, gonna buy us a drink then? I know, but I was thinking about buying one for your friend. She's got no taste, hand on his waist, tries to pull away but her lips on his face. If you insist, I'll have a white wine spritzer. Sorry love, but you ain't pretty picture. Can't knock him out, you can't walk away. Try desperately to think of the plan. Sorry, I recognize this guy's way of thinking. As he walks over, her face starts sinking. She's like, oh, here we go. It's a routine check that she already knows. She's thinking, they're all the same. Yeah, you alright, baby? You look alright still. Yeah, what's your name? She looks in her bag, takes out a fag, tries to get away from the guy on a blag. Can't find a light. Yeah, use mine. See, the thing is, I just don't have the time. Can't knock him out. Can't knock him out. Can't walk away. You can't walk away. It's not gonna happen. Not in a million years. You can't knock him out. You can't knock him out. Walk away. And you can't walk away.